L'actualité à Nancy et ailleurs. L'association Culture et Communication accueille ce vendredi 24 mars Cécile Pio à l'occasion de la 24e édition de l'œuvre « Émoi » pour le goût du pain, du blé au fournil. Patricia Aromatario, bonjour. Bonjour. Vous êtes présidente donc de l'association Culture et Communication. Donc pour cette 24e édition, c'est le pain qui est à l'honneur, c'est ça? Oui, exactement. Hein, puisqu'il faut rappeler que les objectifs de cette manifestation, l'œuvre et moi, c'est toute une soirée pour une passion. Et nous avons eu la chance de rencontrer Cécile Pio, qui est vraiment une passionnée du monde du pain. Donc c'est pourquoi nous l'avons invitée demain soir à 19h à la MJC Lillebonne. Voilà, Cécile Pio qui a un parcours aussi particulier. Elle était d'abord traductrice. Elle a découvert Exactement. Ce métier un peu plus tard. Elle a même été premier commis boulangère au Ritz. Alors oui, elle a une passion, on pourrait dire, qui est née dès l'enfance, parce que déjà dans sa famille, on faisait le pain à la main. Mais elle a suivi un parcours universitaire. Elle était donc, comme vous l'avez dit, traductrice, interprète. Et puis, elle a, au bout d'un moment, quand même, elle était à la recherche vraiment d'une autre expérience et d'expérience même de partage. Et elle a choisi donc de faire une formation de boulangère. Donc, elle a passé un CAP et elle a ensuite cherché du travail et elle a donc fait un stage dans ce lieu très prestigieux, hein, le célèbre palace de la place Vendôme, le Ritz à Paris. Et elle est depuis 2013, je crois, elle est à Nancy. Et elle intervient maintenant dans des écoles, des associations, des foyers d'hébergement. Elle fait des ateliers peints aussi dans des MJC et elle a créé sa propre petite entreprise, on pourrait dire son auto-entreprise, hein, qui s'appelle Pain, Partage et Fantaisie, où on peut donc lui commander du pain. Donc ce vendredi 24 mars, ça commence à 19h, c'est jusqu'à 22h. Oui. Et oui. Ce qui marque aussi lors de ces rencontres, c'est qu'il n'y a pas que la rencontre, il y a d'autres choses à côté. Il y a des lectures notamment, c'est ça? Oui, exactement. Donc il faut dire que Cécile Pio donc fabriquera un pain en direct et disons que le rythme de notre soirée va être en fonction de cette cuisson du pain à la MJC, donc dans la salle où on présente d'habitude nos manifestations. Et il y aura des lectures qui sont proposées par Emmanuel Tonnerieux qui est comédienne et puis Philippe Cidre. Alors Philippe Cidre qui a exercé des responsabilités et qui aime beaucoup lire aussi en public. Alors il y aura non seulement des poèmes mais aussi des textes plus sociologiques hein, puisque le pain c'est un sujet très riche que l'on peut explorer dans ses différentes dimensions. Alors bien sûr hein, nous ne pourrons pas les explorer tous le vendredi. Et puis, il y aura aussi quelques documents visuels, deux petites vidéos assez courtes qui montrent comment des artistes se sont inspirés aussi du pain et d'une manière assez inattendue dans leur travail de création. Le goût du pain, du blé au fournil. C'est donc à la MJC Lillebonne, au 14 rue oui. du Cheval Blanc à Nancy. C'est de 19h à 22h et il est quand même conseillé de réserver. Hein. On ne l'a pas dit, mais il y aura une collation aussi lors de. On va déguster, bien sûr, parce qu'après, s'il y a du pain qui cuit, il va y avoir de belles odeurs. donc, il est conseillé de réserver. Comment on fait? Alors, soit vous pouvez réserver sur le, par mail hein, à l'adresse culture-et-com54@gmail.com, hein, culture-et-com tout attaché, ou bien téléphoner au 06 15 41 98 84. Il est encore temps de réserver parce que ça nous aide d'un point de vue logistique pour savoir combien de personnes à peu près viendront. Bien entendu, on retrouvera bien sûr ces informations, ces liens, ces adresses sur le site de la radio fadjet.net avec cet entretien en écoute en podcast. Patricia Aromatario, merci beaucoup pour cette présentation. Eh bien, merci à vous surtout et bonne journée. L'actualité à Nancy et ailleurs, c'est sur Fadjet. Pour y participer, contactez-nous au 03 83 35 22 62.